Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en train d'étudier la deuxième épître aux Corinthiens, et nous sommes au chapitre 10, et nous allons continuer à partir du verset 12 ce matin. Notre bon Père du ciel, encore une fois ce matin, comme à tous les matins, je me courbe devant toi, comme font tous les anges dans le ciel, devant un être si merveilleux, un être si grand, si splendide, si infini, si unique, un être qui dépasse tout entendement humain. Mais tu as bien voulu, dans ta divinité, te révéler à la créature que tu as créée. Et on veut ce matin que tu nous parles encore une fois. Et le moyen que tu as voulu utiliser pour nous parler dans cette période de temps de l'histoire de l'humanité, c'est par les Écritures. Donc parle-nous ce matin, par les Écritures. On a vu qu'à plusieurs reprises dans cette lettre, il y a des petites expressions semblables à ce que l'on dit. Vous avez entendu de... Donc, il y avait du blablabla, du mémérage au sujet de Paul dans l'église de Corinthe. Il y avait plein de mémérages. Comme on en voit un peu partout, de toutes sortes de façons. Ma chère maman disait souvent, la moitié du monde parle de l'autre moitié du monde. C'est bien vrai, et c'était vrai là dans les églises de Corinthe, et c'est encore vrai dans nos églises aujourd'hui. Je crois que ça va arrêter seulement, mais qu'on soit dans le ciel, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on disait de lui? Certains disaient des choses positives et d'autres des choses négatives. On a vu dans le chapitre 10 qu'il avait été accusé d'être charnel. Et Paul avait répondu, « Si nous marchons selon la chair, nous combattons pas selon la chair, mais avec des armes spirituelles. Nous renversons tout faux raisonnement, toute personne qui s'élève contre la connaissance de Dieu par Jésus-Christ. » Et ensuite, on a vu qu'on accusait Paul d'être humble en apparence quand il était parmi eux et sévère dans ses lettres. Paul dit, « Méfiez-vous de ceux qui mettent de l'emphase sur les apparences. Analysez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne, à savoir si c'est apostolique, biblique, qu'on dirait aujourd'hui. Si c'est biblique, si c'est apostolique, si c'est de Dieu, si c'est, ça vient de la parole de Dieu, c'est correct. L'apparence, on s'en fout. Ou on devrait s'en fouter plus, parce qu'il est donc dur d'arrêter de regarder à l'apparence pour nous les êtres humains. Ce matin, Paul va continuer à défendre son apostolat, parce qu'on a vu ensemble, je sais pas, 10, 11, 12, il défend son apostolat. Donc, il continue dans cette même ligne de pensée à partir du verset 12 que nous allons lire ensemble jusqu'au verset 18. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Nous ne glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a été déjà fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Paul ici termine en disant, « Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. » Donc, Paul il se compare ici avec ces gens-là qui l'accusaient, ces faux docteurs-là. Il dit, « Il y en a qui ne sont pas recommandés par le Seigneur, puis il y en a qui sont recommandés par le Seigneur. » Puis il dit que, au verset 12, « Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est correct. » Et si je peux dire ainsi, leur lettre de recommandation, c'est eux-mêmes. Ils ne sont pas recommandés par quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas recommandés par les églises. Ils n'ont pas été recommandés par le Seigneur, mais ils se recommandent eux-mêmes. Ils se présentent comme étant quelqu'un, et c'est eux-mêmes qui se présentent. C'est pareil comme si je me présentais à un job avec une lettre de recommandation écrite de ma propre main. Il dirait, c'est un manque d'intelligence d'avoir fait ça. C'est pas très, très brillant. L'important, c'est qui me recommande. Est-ce que j'ai été recommandé par les églises? Est-ce que j'ai été recommandé par les apôtres? Est-ce que j'ai été recommandé par le Seigneur? Ces gens-là arrivaient de nulle part et ils se donnaient de l'autorité qu'ils n'avaient pas. Et là, Paul parle à partir du verset 13, puis il dit, ces gens-là arrivent parmi vous, ils se placent en autorité, ils se lèvent comme étant des enseignants et des dirigeants. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font à se donner de l'autorité dans le travail d'un autre? C'est pareil comme si moi, j'arrive dans un chantier de construction et je me mets un casque blanc sur la tête et je rentre dans le chantier de construction puis je me mets à dire aux gens comment faire les choses, comment pas faire les choses, qu'est-ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Ils diraient, mais même si c'est un casque blanc, tu n'es pas dans ton chantier de construction. Tu n'es pas chez vous ici, mon corps. C'était peut-être un chef ailleurs, mais tu ne l'es pas ici. Ce n'est pas toi que l'autorité de sur ce chantier de construction-là. Ou c'est comme une femme qui se présenterait devant des enfants et commençait à vouloir les diriger. Les enfants vont répondre souvent, tu n'es pas notre moment, toi. Qui t'a donné l'autorité de nous parler ainsi, de nous dire quoi faire? D'où est-ce qu'ils viennent, ces gens-là? Est-ce que c'est eux autres que le Seigneur a utilisés pour bâtir l'Église à Corinthe? Est-ce que c'est le Seigneur les a utilisés, eux, pour vous emmener l'Évangile de Christ? Est-ce que le Seigneur les a utilisés, eux, pour vous emmener à vous convertir? N'est-ce pas nous? Il dit, n'est-ce pas nous qui sommes arrivés jusqu'à vous avec l'Évangile de Christ? Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes arrivés jusqu'à vous en faisant des miracles et des prodiges? Est-ce que ce n'est pas nous qui vous avons annoncé la vérité pour que vous puissiez vous convertir à Dieu, pour vous aider à connaître Dieu par l'Évangile de Christ? C'est bien nous. Vous êtes bien notre travail, notre œuvre. Comme l'avait dit avant dans les autres chapitres, vous serez notre gloire comme je serai votre gloire au jour du Seigneur. C'est bien nous. C'est bien nous que Dieu a utilisé pour vous amener l'Évangile. ne laissez pas quelqu'un d'autre rentrer dans le décor et commencer à vous dire qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu ne dit pas. Ne leur donnez pas une autorité sur vous qu'ils n'ont pas. C'est nous que Dieu a utilisé pour vous conduire à Dieu, à Jésus-Christ, à la vie éternelle. C'est nous qui l'avons utilisé pour que vous receviez le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. C'est nous. Il dit au verset 15, « On ne se glorifie pas du travail d'autrui. On se glorifie du travail que nous avons accompli auprès de vous par la puissance de Dieu. Pourquoi vous donnez une autorité à quelqu'un d'autre et non pas à celui que Dieu vous a envoyé pour vous proclamer la vérité en Jésus-Christ? » Il dit au verset 15, « Nous ne nous glorifions pas de travaux d'autrui qui sort hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. » En évangélisant, au verset 16, les contrées situées au-delà de chez vous. Donc, il dit, notre but, notre désir serait de continuer cette œuvre, d'aller vers vous, d'aller chez vous, et d'à partir de chez vous, avec vous, d'aller plus loin et d'atteindre d'autres villes et de commencer d'autres églises plus loin. Mais nous ne voulons pas nous glorifier du travail d'autrui. Et Paul le dit ça à plusieurs reprises dans plusieurs épîtres. Il a dit ça à Rome, exemple. On n'est pas été vers vous avant parce que ce n'est pas Paul qui avait commencé l'église de Rome. Mais on aimerait passer chez vous, partager avec vous l'Évangile et de continuer ailleurs. Il voulait aller en Espagne, est-ce qu'on peut se penser et croire? Paul a toujours travaillé là où il n'y avait pas d'église. C'était son mandat de la part de Dieu d'aller travailler et d'implanter des églises là où il n'y avait pas. Donc, je dis, c'est pas mon style à moi, Paul parle, c'est pas mon style à moi d'entrer dans une église et de vouloir m'imposer comme leader spirituel, de condamner les hommes que Dieu a utilisés dans vos vies pour vous emmener à lui. Un jour, j'étais assis avec des croyants, puis on condamnait les gens d'un groupe de chrétiens dans lequel nous étions tous. Et ces gens-là étaient comme sorti de ce milieu-là, et il savait que je n'étais pas en accord avec tout ce que le milieu ou le groupe de chrétiens faisait. Je n'étais pas tout en accord. Et là, il venait me parler, puis il voulait m'entraîner avec eux dans un autre domaine, dans un autre mouvement. Et j'avais répondu, n'oubliez jamais que c'est à travers eux que Dieu nous a mis la vérité. Ils sont imparfaits. Ils sont pécheurs encore. Ils ne sont pas infaillibles, mais c'est tout de même eux que Dieu a utilisés pour nous amener l'Évangile et pour entendre l'Évangile de Christ, le salut en Jésus-Christ. Donc, faisons attention à la façon dont nous parlons des gens que Dieu a utilisés pour nous emmener à lui. Il n'était pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Peu importe le groupe dans lequel vous allez, c'est un groupe imparfait. Vous êtes imparfait, je suis imparfait. Mais Paul, c'est là son argument. Pourquoi vous laisseriez des gens vous détourner de la vérité quand ce n'est pas eux qui vous ont emmené la vérité? C'est bien nous que Dieu a utilisé pour vous emmener la vérité. Verset 17 dit, « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Donc, il dit, « Si je veux me glorifier de quelque chose, je veux me glorifier du fait que c'est Dieu qui m'a envoyé parmi vous, avec l'Évangile de Christ. » C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a apparu, qui m'a eu, j'ai eu des visions et qui m'a guidé jusque chez vous pour que je vous annonce la vérité. Et vous avez professé la foi. Je me glorifie de cela, de ce que le Seigneur m'a utilisé, que le Seigneur m'a mandaté d'aller vers vous. C'est le Seigneur qui m'a établi apôtre des gentils, apôtre des païens. C'est lui qui m'est apparu à plusieurs reprises et qui m'a confié l'Évangile. Comme il dit lui-même dans Galates, je n'ai pas reçu l'Évangile de d'autres hommes. Christ m'est apparu à moi. Et je vous ai annoncé l'Évangile. Donc, faisons attention, chers amis, chers frères et sœurs, de ne pas donner de l'importance ou une place à des personnes qui viennent en dehors de l'Église, en dehors de ceux qui vous ont conduit au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire, là, obéissez-leur aveuglément. Mais on devrait, normalement, leur donner une préférence, vu qu'ils m'ont conduit au Seigneur. Vu que le Seigneur qui les a utilisés pour nous amener l'Évangile. Ici, l'apôtre Paul, il dit, l'Évangile vous a été amené par nous, par Sylvain, par Timothée, par les apôtres. Est-ce que quoi que l'apôtre Paul est en train de dire? L'apôtre Paul ne veut pas avoir une autorité démesurée ou une force, je pourrais dire, une influence démesurée auprès d'eux autres. Mais ce qu'il est en train de dire, rester attaché à la vérité. Aujourd'hui, on dirait, ne laissez pas les gens qui viennent en dehors de la Bible vous influencer. Si vous avez été conduit au Seigneur par des gens qui vous ont amené la vérité à travers les Écritures, restez attachés aux Écritures. Pas être démesuré ici, là. Je ne suis pas en train de dire que vous devez donner une autorité démesurée à ceux qui vous ont conduit au Seigneur. Mais à la vérité que ces gens-là vous ont amené. Si ces gens-là, un jour, se détournent de la vérité, se détournent de la Bible, ben, il faut s'éloigner d'eux aussi. Là, je parle de même parce que Paul, lui, était l'autorité. Là, parce que la Bible était en train de s'écrire. Il n'avait pas encore le Nouveau Testament écrit, au complet, du moins. Et il était encore en présence de certains apôtres, de témoins oculaires qui avaient parlé avec Jésus-Christ. Comme Paul était un de ceux-là. Donc, je suis pas en train de donner maintenant ici à tout le monde la même autorité que Paul avait. Gardons la vérité qui nous a été transmise par les Écritures. Si quelqu'un vient de l'extérieur, un témoin de Jéhovah avec sa tour de garde, un mormon avec le livre des mormons, un catholique avec la tradition des pères, un islamiste avec le Coran, un bouddhiste avec son livre de prière bouddhiste. Ce n'est pas tous ces livres qui vous ont amené la vérité en Jésus-Christ. Ce n'est pas tous ces livres qui vous ont amené à connaître Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, restons attachés à la parole de Dieu. Notre bon Père du ciel, ta parole est notre guide, notre lumière. C'est cette parole qui nous a conduits à toi. Comme Paul avait conduit l'Église de Corinthe à toi. Donne-nous l'intelligence de toujours rester à toi. Donne-nous de nous méfier de ceux qui se recommandent eux-mêmes, de ceux qui se donnent une autorité qu'ils n'ont pas, de ceux qui veulent nous emmener autre chose que les Écritures. La sagesse, pour nous présentement, chrétiens, c'est de rester attachés à ta parole. Au nom de Jésus, amen.